il y a peu de temps perdurait une forme de consensus autour du peuplement du continent américain. Il se serait déroulé après le dernier maximum glaciaire, suite à l'ouverture de deux corridors reliant le continent asiatique et le nord du continent américain il y a environ 15 000 ans. Ce qui aurait conduit à peuplement donc par le nord, environ 1500 ans après, et de façon par ailleurs extrêmement rapide. Mais depuis quelques années, des indices surgissent de ça de là, indiquant que ce peuplement aurait pu être non seulement plus précoce, mais aussi plus austral. C'est cette énigme paléo-anthropologique que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui. Amérique, l'origine du Nouveau Monde, c'est le programme préhistorique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de lever un coin de voile sur cette énigme qui divise, vous le verrez très puissamment, la communauté des préhistoriens, archéologues, anthropologues et paléogénéticiens, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christelle Lahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne et géochronologue au Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie. Et nous sommes en ligne avec Éric Boéda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de l'Université Paris-Nanterre, responsable de la mission archéologique française du Piauí au Brésil, dont vous nous direz évidemment un mot. Mais pour commencer, nous partons relever les empreintes laissées par l'actualité scientifique la plus récente. Pas très très inspiré aujourd'hui. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Et pour commencer ce journal des sciences, aujourd'hui, il s'agit, alors ce n'est pas exactement l'Agence de sécurité des aliments, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, voilà, qui s'inquiète des risques sanitaires liés à la présence de substances perfluoroalkylées dans les aliments. Oui, les perfluorés, hein, c'est une grande famille de perturbateurs endocriniens. Ces molécules chimiques, hein, sont utilisées dans les textiles, dans les emballages alimentaires, les peintures, les ustensiles de cuisine et notamment dans les poêles anti-adhésives. Et on les retrouve un peu partout dans l'environnement. L'eau potable, les poissons, les fruits, les œufs, bref, toute la chaîne alimentaire. Leurs effets sanitaires sont multiples. Les perfluorés, hein, seraient associés à une diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination, à l'élévation du taux de cholestérol, du diabète ou de l'obésité. Alors, selon un nouveau rapport, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, constate qu'une grande partie de la population européenne est très largement exposée aux perfluorés. Et ce, bien au-dessus des normes réglementaires, hein, jusqu'à 10 fois le seuil tolérable. Ce rapport, hein, ne concerne que la contamination des aliments bruts. Les enfants et les nourrissons sont les populations les plus exposées à ces contaminants. L'EFSA a donc fixé un nouveau seuil de sécurité et appelle à une meilleure régulation de ces substances. Et on vous met comme chaque jour, hein, les liens vers les études évoquées dans le Journal des Sciences ainsi qu'un certain nombre de liens pour compléter votre écoute de l'émission sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon la NASA, nous allons peut-être avoir une nouvelle mini-lune. Et après l'astéroïde 2006 RH120, après l'astéroïde 2020 CD3, la NASA a repéré 2020 SO. Ce petit objet stellaire s'approche de la Terre et sa trajectoire indique qu'il sera capturé dans son orbite d'ici le 15 octobre, avant de s'en décrocher au mois de mai prochain. Alors ça peut paraître romantique comme ça, mais cette mini-lune est peut-être un déchet spatial. On ne sait pas encore, hein, s'il s'agit d'un astéroïde géocroiseur ou, vu sa taille et sa vitesse, d'un ancien propulseur de fusée. La spectroscopie peut nous en apprendre plus sur sa nature et savoir s'il est recouvert ou non de peinture au dioxyde de titane. Selon une étude parue dans Science Advances, selon votre âge, le sommeil n'a pas la même fonction. Et des chercheurs californiens ont cherché à démêler le pourquoi du sommeil. Dans cette méta-analyse, hein, qui regroupe plus de 60 études à ce sujet, il en sort que le sommeil change avec la taille du cerveau et du corps. Les nouveau-nés, hein, qui dorment deux fois plus que les adultes, passent 50% de leur nuit dans le sommeil paradoxal. Ce taux diminue ensuite drastiquement avec l'âge. Or, la réorganisation neuroplastique ne se produit que durant le sommeil paradoxal. En conclusion, le sommeil des enfants de 2 à 3 ans est un sommeil qui permet la construction du cerveau et le renforcement des synapses. Puis après l'âge de 3 ans, le sommeil sert essentiellement à entretenir et à réparer le cerveau. Et enfin, selon une étude parue dans The Journal of Gerontology, les personnes âgées sont aujourd'hui en bien meilleure forme que celles des générations précédentes. Et des chercheurs finlandais ont trouvé une étude réalisée dans les années 90 avec 500 personnes âgées de 75 à 80 ans. Ils ont fait répéter les mêmes tests physiques et cognitifs à 720 participants du même âge. En moins de 30 ans, les capacités physiques et cognitives se sont considérablement améliorées. La force musculaire, la vitesse de marche, la fluidité verbale, le raisonnement et la mémoire sont aujourd'hui nettement supérieurs. On peut expliquer ces résultats par une nutrition et une hygiène meilleures, une activité physique plus élevée pour les jeunes générations, ainsi qu'une éducation plus longue. Alors peut-être que l'augmentation de la pollution, du tabagisme, de la vie sédentaire et de l'obésité auront des effets néfastes sur la prochaine génération. Néanmoins, cette étude montre que notre compréhension de la vieillesse est démodée. Merci, merci pour cette petite pointe d'optimiste à la fin. Vraiment, Natacha, c'est gentil comme tout. Sur ce, je vais aller faire un jogging. Allez, vous en prie. À demain pour le prochain journal des sciences de la semaine. Vous avez certainement appris à l'école ou ailleurs, comme moi, que le peuplement du continent américain s'était produit par le nord, via le détroit de Bering, et à une époque où il était possible pour les tribus humaines de traverser à pied, de franchir à pied ce détroit, probablement en poursuivant d'ailleurs du gros gibier, jusqu'à finir par s'implanter, et en une vitesse éclair, sur l'ensemble d'ailleurs des deux sous-continents américains. Et bien comme souvent, ce que vous avez appris est faux, ou tout du moins, de moins en moins certain d'être vrai. De nombreux indices s'accumulent en faveur d'un peuplement plus précoce du continent américain, et pas nécessairement d'ailleurs par le Nord, et cette théorie vient d'être renforcée par deux études publiées à la fin du mois d'août dans la revue Nature, mais vous allez l'entendre, on ne fait pas tomber une doxa aussi facilement, surtout lorsqu'il y a des implications politiques ou idéologiques qui soutiennent un récit historique. Que détaille notre archive du jour, le peuplement initial tel qu'on l'a appris de ces deux sous-continents américains, c'est un extrait de l'heure de la culture française sur la RDF, nous sommes en 1948. Les caractères anatomiques et physiologiques du corps humain montrent que les origines de l'humanité ne peuvent guère être situées ailleurs que dans le groupe de primates supérieurs dont les derniers représentants actuels sont les grands singes anthropoïdes. Or, l'Amérique ne possède point et n'a jamais possédé de singes supérieurs. Elle ne saurait donc pas être le berceau de l'humanité. Mais puisque le peuplement du Nouveau Monde est venu d'ailleurs, tout porte à croire qu'il est arrivé d'Asie et que, pour cette immigration, les hommes de jadis ont essentiellement emprunté la voie la plus naturelle, celle du détroit de Bering. Cette thèse est confirmée par la ressemblance générale que les Indiens d'Amérique présentent avec les races dites mongoliques, et notamment avec les peuples du nord-est de la Sibérie. Quels sont en effet les caractères physiques que l'on rencontre avec le plus de constance chez tous les Indiens ? Ce sont essentiellement la peau jaunâtre ou cuivrée, les cheveux noirs et raides, la saillie des pommettes, bref, des caractères généraux qui se retrouvent aussi chez les peuples jaunes d'Extrême-Orient et de l'Asie du Nord-Est. Plusieurs découvertes récentes ont montré qu'en diverses régions du Nouveau Monde, l'homme avait été contemporain d'espèces animales actuellement disparues. La date de sa première arrivée a donc dû être relativement ancienne. On avance parfois le chiffre de 15 000 ans, ce qui correspondrait en gros à la fin de la dernière période glaciaire. Voilà, une archive, comme vous l'entendez, pas d'extrêmement bonne qualité, mais assez éclairante, qui date donc de 1948 de la radiodiffusion française. Une réaction à cette archive, Éric Boéda? Oh, écoutez, je suis très agréablement surpris, parce que, je veux dire, beaucoup de choses sont justes, et on a des nouvelles données qui, effectivement, rafraîchiraient un peu ce qui vient d'être dit, mais il n'y a pas d'erreur manifeste. Christelle Lahaye? Si ce n'est sur la chronologie de cette arrivée. Ce qui est votre spécialité. Qu'est-ce que vous entendez là où, enfin, effectivement, il y a la chronologie, il y a une terminologie aussi pour définir certains peuples qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, bien sûr. Mais quels sont les problèmes majeurs que vous entendez dans cette archive? Effectivement, à part cette terminologie, le problème majeur, c'est de voir cette arrivée impossible avant l'ouverture de la Béringie, le passage entre les deux calottes glaciaires du nord de l'Amérique. Et donc, ça donne une limite à 13 000 ans qui finalement est encore soutenue aujourd'hui, malgré un certain nombre de preuves archéologiques par quelques collègues. De plus en plus rares, mais tout de même, ils sont là. À partir de quand cette hypothèse principale de la Béringie du détroit de Béringie va commencer à se fissurer, ou jusqu'à quand, disons, est-elle privilégiée, diriez-vous, Christelle Lahaye? Je pense que les découvertes dans le Piaoui, justement, de Niette Guidon, la publication de 1986, a probablement été un des éléments qui a interrogé cette arrivée possible, puisque là, l'âge des artefacts et des niveaux mis au jour était en contradiction avec cette c'était trop ancien pour, voilà. C'était pas le passage par la Béringie n'était pas possible. Il y a quelques études un peu plus anciennes, y compris sur des sites d'Amérique du Nord. Mais je crois que l'article de 86 de Niette Guidon marque quand même un tournant pour moi. Oui. Vous partagez ce point de vue, Eric Boueda ? Oui, tout à fait. En fin de compte, les choses sont très simples. Vous savez, les gens ont l'impression que le climat ne bouge pas. Or, si on prend que les 125 derniers millénaires, le climat a énormément changé. Et à partir de là, on a deux phénomènes qui vont jouer. Il y a à la fois une période de refroidissement. Les glaciers vont avancer et les niveaux de la mer vont baisser de façon concomitante. Mais les variations sont pas forcément des fois suffisamment importantes pour que l'extension des glaciers soit maximale. Alors, on prend le dernier interglaciaire à chaque fois. Pourquoi le dernier interglaciaire ? Tout simplement parce que celui-ci a été très, très, très... Le dernier phénomène glaciaire a été très fort, très froid. On est à quel moment, à quelle période exactement ? A débuté entre 23 000 à peu près et 15 000 ans. Donc là, le glacier des Laurentides qui vient du nord et les glaciers de la Cordillère viennent bloquer, effectivement isolent l'Alaska, mais de la reste de l'Amérique, mais favorisent le passage par l'abaissement de la mer de l'Alaska à l'Asie ou de l'Asie à l'Alaska. Vous voyez ? Mais en réalité, je veux dire, à d'autres moments, durant des périodes froides, c'était moins froid. Et à partir de là, le niveau de la mer était certes plus haut, mais permettait quand même le passage à pied. Et il y avait un corridor très large, de plusieurs centaines de kilomètres, entre l'Alaska et l'Amérique. Et donc, c'est une espèce d'accordéon, voilà, les niveaux pendant la glaciation. Ce corridor s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Le niveau de la mer, lui, reste toujours, effectivement, va osciller entre moins 120 mètres et 40 mètres, oui, laissant toujours la possibilité de passer. C'est très bien, parce qu'effectivement, on voit bien cette espèce d'accordéon qui permet, en fait, qui fait des sortes de sas entre l'Asie, l'Alaska et le reste du continent américain. Ce qui est intéressant, et on en parlait un peu avant le début de cette émission, Christelle Lahaye, c'est que, depuis 86, cette hypothèse de peuplement unique, ou en tout cas de peuplement princeps à moins 15 000 ans commence à prendre l'eau, si vous m'autorisez cette image qui est appropriée. Mais il y a derrière ça finalement une sorte de lutte de fond idéologique qui dit que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas tellement l'idée que l'Amérique du Sud, finalement, pour le dire simplement, ait pu être peuplée avant l'Amérique du Nord. Oui, c'est sans doute un des enjeux idéologiques plus que scientifiques, mais le fait est qu'effectivement depuis 40 ou 50 ans, les données qui sont mises au jour d'un point de vue archéologique sont assez systématiquement plus anciennes dans la partie sud du continent que dans la partie nord. Et effectivement, une partie du continent une partie du sous-continent du nord est sous les glaces. Et puis on imagine de plus en plus, on en reparlera peut-être, mais depuis quelques années, l'idée d'une route possible en cabotage ou même terrestre le long de la côte pacifique est de plus en plus prisée, ce serait un modèle qui expliquerait un grand nombre des observations archéologiques qu'on peut faire aujourd'hui, et cette possibilité effectivement a été en tout cas systématiquement repoussée par un certain nombre de collègues jusqu'à une période récente. Eric Boueda, sur cette dimension idéologique du débat qui nous occupe aujourd'hui. Oula, il faudrait 2 heures. Mais en réalité, il faudrait même 15 secondes. On n'arrive pas bien à comprendre. Je dirais des choses toutes simples. C'est que nos collègues qui refusent nos résultats quand on a des sites à 20 000 ans acceptent nos résultats quand on est dans les bonnes dates. Et pourtant, nous sommes les mêmes. Nous fouillons de la même façon. Nous utilisons les mêmes méthodes. Donc, pourquoi effectivement, quand ce n'est pas conforme à leur diktat, c'est pas bon. C'est-à-dire que, alors, on peut noter de façon très amusante que, au début, c'était 13 000 ans. Maintenant, on en est à 17 000 ans. Donc, Il y a certaines écoles américaines qui sont extrêmement puissantes et qui dominent. Et que si ces gens-là découvrent un site à 14 000, la norme devient 14. Oui. Si ces mêmes gens découvrent à 15 000, la norme est à 15 000. Et ces mêmes gens découvrent à 17 000. Alors maintenant, ils autorisent du 17 000 en Amérique du Nord. Et ça en accord avec l'évolution climatique que vous décriviez tout à l'heure et justement avec la fin du maximum glaciaire précédent? Là, 17 000, non, ça colle plus. Ouais. Et là, Christelle a raison. Et s'ils sont à 17 000, effectivement, en Californie, c'est à 17 000, il y avait quand même plusieurs kilomètres de glace sur l'Amérique du Nord. Donc, ils ont dû capoter à ce moment-là. Ou alors, ils étaient déjà présents avant. Mmh. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est une controverse paléo-anthropologique, archéologique, génétique aussi, absolument passionnante, dont nous allons parler tout au long de cette heure. Et nous allons essayer de voir quelles sont les autres hypothèses du peuplement de ce continent américain. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de cette hypothèse d'un peuplement bien plutôt précoce, plus précoce du continent américain. Pourquoi pas, vous avez entendu les dates qui ont été données jusqu'à présent, bien les dernières publications pourraient laisser envisager un peuplement de l'Amérique du Sud jusqu'à 30 000 ans, donc 15 000 ans avant la date de cette ouverture du détroit de Bering. Nous en parlons avec Christelle Lahaye et Eric Boeda. Peut-être peut-on commencer à dire, vous l'avez évoqué Christelle, les premières. Quels sont les indices aujourd'hui dont on dispose? C'est-à-dire quels sont les premiers indices qui sont venus contrecarrer ce modèle dominant de ce qu'on appelle la culture Clovis? Alors vous pouvez peut-être également nous expliquer ce que c'est que la culture Clovis. Clovis, c'est pas le nôtre, c'est Clovis, la ville aux États-Unis où a été trouvé, où ont été trouvés des restes, en tout cas des objets, des outils qui ont donné le nom à cette culture. C'est ça, c'est le site éponyme de cette culture qui effectivement présente une très grande densité. On a énormément de niveaux archéologiques et de sites archéologiques Clovis. Mais pour répondre au début de votre question, effectivement, on a depuis de nombreuses années maintenant, un certain nombre de gisements dans lesquels on a à la fois des outils lithiques qui sont interprétés par les technologues comme étant effectivement des productions humaines, sur lesquels on a des analyses tracéologiques, donc qui étudient la façon dont ces outils ont été utilisés, préférentiellement sur le bois, l'os ou un autre type de matériaux, et on a ce genre de traces d'utilisation anthropique de ces outils. On a des études taphonomiques qui comparent finalement les assemblages archéologiques avec des assemblages naturels et qui montrent qu'on a effectivement une action humaine pour avoir un assemblage différent. Et puis on a des dates donc de la chronologie et des chronologies qui sont, alors c'est le cas de la publication dont vous parliez au début, qui croisent souvent les méthodes, le carbone 14, la luminescence, plusieurs protocoles de luminescence et qui montrent assez systématiquement que les niveaux archéologiques sont en place, que on a des stratigraphies cohérentes et que ces stratigraphies, on a effectivement des occupations humaines des 30 000, 35 000, voire 40 000 pour certaines parties de l'Amérique du Sud. Alors peut-être qu'on peut en venir en fait directement à cette étude et puis ensuite on verra quelles sont les différentes pièces du puzzle qui permettent de la compléter. Eric Boeda, il y a deux études. La première, ça se passe au Mexique dans une grotte qu'on appelle Chicuhuite. Qu'est-ce qu'on a découvert à Chicuhuite qui permettent d'attester d'une présence humaine ou de tribus humaines aux alentours de un peu plus de 30 000 ans? C'est un site effectivement en grotte, et c'est une habitation en grotte, bon pas très profonde, je veux dire à quelques mètres de l'entrée, et il a été retrouvé en stratigraphie, c'est-à-dire la stratigraphie c'est quoi? Vous imaginez un gâteau au chocolat avec des couches de crème fraîche, de crème de marron et tout ça, et le gâteau il est intact, c'est-à-dire que on retrouve tous les dépôts sédimentaires dans un ordre logique sans perturbation et dans différents niveaux. Et dans les niveaux les plus anciens, on a retrouvé des objets, des outils produits par l'homme et des ossements avec des traces effectivement d'activité humaine. Et alors des ossements, je précise, ce sont pas des ossements humains. Hein. C'est assez important de le préciser. Ce sont des ossements animaux. Tout à fait. Mmh. C'est leurs restes alimentaires, les restes de chasse ou de charognage, comme on veut, et donc qui ont été ramenés là et qui témoignent d'une occupation classique. Mais je devrais dire que ce qui est très surprenant, c'est que lorsque l'on voit ce matériel, Si je m'amusais à dire que ce matériel provient de Chine ou de France, personne, mais personne ne discuterait du caractère anthropique. Mais il suffit de dire que c'est, ça vient d'Amérique et que ça a 30 000 ans pour que cet objet qui est identifié à gauche ne le soit plus à droite. Mmh. Et on revient à la bataille idéologique. Bon, on va étudier tout à l'heure peut-être les critiques hein, qui ont été faites, ou alors peut-être d'abord j'aimerais entendre Christelle Lahaye là-dessus sur cette grotte de Chicouiwité. Est-ce que c'est vraiment un gisement exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup d'outils lithiques qui ont été trouvés, un très grand nombre, mais effectivement il y a tout de même un certain nombre de critiques qui sont exercées sur cette fouille. Est-ce que vous voulez nous en parler, ou est-ce que vous voulez d'abord nous dire l'intérêt de ce gisement pour commencer peut-être? Oui, effectivement. L'intérêt de ce gisement, c'est qu'il vient grossir un corpus qui n'est pas énorme pour l'instant, mais qui existe de peut-être une dizaine, selon les auteurs, une douzaine de sites qui présentent des occupations humaines aussi anciennes que 30 000 ans, semble-t-il. Donc il vient grossir ce corpus en Amérique du Sud. Et en plus, il a une position géographique centrale, puisqu'il est effectivement beaucoup plus au nord. Il est dans la moitié nord du Mexique. Et donc il interroge, ou il apporte une nouvelle pierre par rapport à ces mouvements de population, à ces peuplements. Sur les critiques, du côté des artefacts lithiques, Eric l'a dit, il n'y a pas de doute particulier. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais enfin dans les critiques qui sont exercées, c'est intéressant de savoir l'un et l'autre comment vous pouvez y répondre, parce qu'il y a des critiques, comme l'a dit Eric Boéda, qui sont assez virulentes. La première d'entre elles dit que ce ne sont pas des artefacts, sont finalement des géofacts, c'est-à-dire finalement que ces pierres auraient pu être simplement bien le fait de mouvements géologiques de taille accidentelle en quelque sorte. Christelle, là, un mot là-dessus. Encore une fois, c'est la critique qu'on rencontre aussi, ou qu'on a rencontré en tout cas dans le passé sur les sites sur lesquels nous travaillons dans le Piaoui au Brésil. Quand on amène ces outils dans les congrès et qu'on ne donne pas l'âge des niveaux sédimentaires qui les contiennent, leur caractère anthropique ne pose pas de question. C'est leur position géographique et chronologique qui pose problème. Et là, je crois que la question est la même. Alors moi, j'ai pas vu ces outils effectivement, et c'est pas ma spécialité. Je suis pas technologue, mais juste avec les informations et les figures et les photographies qui sont dans l'article, je crois qu'il y a pas beaucoup d'interrogations. Eric Boéda là-dessus. Oui, mais je veux dire, il n'y a aucune interrogation à avoir sur les outils qui servent à percer, qui servent à gratter, qui servent à couper. Je veux dire, c'est les fonctions classiques et qu'on retrouve dans tous les sites archéologiques, quels que soient les lieux et quelles que soient les périodes. Là, on va revenir un petit peu sur la polémique. Le problème, c'est les reviewing. Vous savez, quand vous êtes malade, vous avez mal aux dents, par exemple, vous n'allez pas voir un gastro-entérologue. Donc, lorsque vous devez travailler sur des datations, on demande aux spécialistes de leur avis. Quand on travaille sur des cailloux, on demande aux spécialistes leur avis. Et souvent, je veux dire, on a des interrogations, je veux dire, sur les reviewers, puisque quand certains nous disent ce n'est pas taillé, c'est pas les artefacts qu'il faut remettre en cause. Mais à ce moment-là, c'est l'auteur qui fait ce diagnostic. Parce que quand même, je veux dire... On va vous mettre une photo hein, pour que les auditrices et les auditeurs puissent se faire leur avis de béotiens, comme je dis souvent, en tout cas de non-experts, mais pour qu'ils puissent voir ces outils qui ont été découverts et qui effectivement ressemblent d'un œil de béotien tout à fait à des outils taillés préhistoriques classiques. Mais c'est un œil de béotien, donc ça n'a aucune valeur. Votre propos, en revanche, en a, Eric Boéda, je vous écoute, parce que votre propos de la valeur, alors que ma remarque n'en avait aucune. Mais elle a de la valeur, parce que bon, vous avez un minimum de formation et qu'effectivement, vous avez reconnu des caractéristiques classiques. Maintenant, ce qu'il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il faut être spécialiste, c'est que les outils, je veux dire, vous prenez, comparez le circumméditerranéen et le monde asiatique, vous n'allez pas retrouver la même histoire, la même préhistoire, vous n'allez pas retrouver les mêmes outils. Donc vous ne devez pas non plus vous attendre à un instant T, retrouver la même chose partout dans le monde. Donc les gens, il y a ce qu'on appelle l'altérité. Et cette altérité, il faut savoir la lire. Le problème, c'est que pourquoi les critiques sont si violentes? C'est qu'à théoriquement, à cet âge-là, on va dire, de toute façon, l'Amérique du Nord et du Sud, ou la Mésoamérique, ont été colonisées par Sapiens. Sapiens, c'est un homme moderne. Si c'est un homme moderne, c'est une technologie moderne. On regarde quelles sont les technologies qui ont été utilisées par Sapiens à cette période-là. ils ont fabriqué des lames, ils ont utilisé des outils en os, donc à 2000 km, puisqu'on a cette date-là, on devrait trouver ces outils-là. On ne trouve pas ces outils-là, on trouve autre chose, donc ce n'est pas taillé. Mmh. Voilà leur fonctionnement. Alors, encore une fois, si je me permets de vous soumettre les critiques, c'est parce que je trouve qu'elles sont très éclairantes et qu'elles sont intéressantes, pas uniquement pour la polémique, mais parce que ce sont des questions légitimes. Il y a, alors, pour rester sur les outils, il y a une autre critique qui dit il y a tout de même un problème, c'est qu'on trouve un grand nombre de ces outils sur une période très longue, hein, sur 15 000 ans. Or, la taille de ces outils n'évolue pas une seule fois en 15 000 ans, ça reste exactement la même taille, alors que dans tout autre gisement, eh bien, on constate au bout de plusieurs milliers d'années une évolution des techniques. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Éric Boéda ? On voit que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Non, mais je veux dire, bon, je me permets de dire ça parce que j'ai fouillé pendant 18 ans en Syrie, 15 ans en Afrique et 12 ans en Chine, et ça fait pratiquement maintenant 11 ans que je fouille au Brésil. Que j'ai vu effectivement donc et travaillé sur toutes les périodes qui vont pratiquement de 2,6 millions à 12 000 ans. Donc j'ai quand même une certaine connaissance des choses et je peux vous dire que sur certains sites, par exemple en Syrie où on a fouillé une séquence moustérienne qui s'étend pratiquement sur globalement 200 000 ans et c'était un désespoir avec plus de 70 couches archéologiques et c'était un désespoir de chercher une variabilité. C'était la même chose. Et alors c'est là où c'est intéressant justement, au lieu d'aller dans la négation. Il y a des sociétés qui vont très vite évoluer. Alors, est-ce que c'est la même société qui évolue ou c'est effectivement des sociétés différentes qui viennent dans un même endroit? Ou au contraire, c'est des sociétés qui perdurent en un endroit? Vous regardez les sociétés aborigènes d'Australie, je veux dire que, bon, on peut pas dire qu'elles ont un niveau technique qui est celui qu'on attendrait d'un Homo sapiens moderne. Or, effectivement, ces gens-là n'ont pas un investissement dans la technique. Ils ont une technique qui leur est nécessaire, suffisante, qui leur permet de subvenir à leurs besoins, et ils ont investi dans d'autres domaines, comme effectivement dans le symbolique, alors que nous, bon, il y a des sociétés qui vont plus investir dans le technique. Si on n'accepte pas l'altérité, si on n'accepte pas effectivement le fait de trouver un autre nous, voilà. Parce qu'en fin de compte, le problème, il est là. On attend de trouver nous dans ces sites-là. Et donc, ils doivent avoir les mêmes comportements que nous. Mais c'est là où c'est terrible. C'est nier, effectivement, la diversité et la richesse du monde. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut retrouver cette différence. Et c'est cette différence fait, effectivement, ce qu'est l'homme à travers sa diversité biologique ou physique ou intellectuelle ou environnementale. Je veux dire, tout ne doit pas être figé. Or, le problème essentiel dans l'analyse et dans les reviewing, c'est qu'effectivement, tout est analysé à la lumière d'universaux. Et là, par rapport à Chiquihuité, nous avons effectivement été une dizaine d'archéologues qui fouillent, ont trouvé des sites en stratigraphie datés de plus de 20 000 ans, voire 30 000, voire 40 000 ans. On a fait une réponse qui va être publiée incessamment sous peu, pour effectivement dire « ça suffit ». Christelle Lay. Oui, beaucoup plus prosaïquement, je crois que une des questions qui est posée par le fait que ses collègues pointent le manque d'évolution à leurs yeux, ça pourrait être une façon de dire qu'il y a un problème taphonomique sur ce site, que les niveaux sont mélangés et que finalement tout vient d'un même niveau. Or là, la contribution de ma discipline, hein, de la chronologie, c'est justement de montrer que sur ce site, comme sur beaucoup d'autres sur lesquels nous avons travaillé, on a effectivement une séquence stratigraphique tout à fait clair d'un point de vue chronologique et que si on accepte que ces artefacts sont des artefacts, effectivement leur datation ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'évolution et une autre. Une dernière critique et puis mais en même temps une critique qui du coup élargit un peu et pas seulement à Chiquihuité, c'est que vous le disiez tout à l'heure Éric Boéda, il y a des ossements animaux, il n'y a pas de fossiles, de restes humains et c'est vrai qu'il y a pas ou peu et je parle sous votre contrôle l'un à l'autre de restes humains qui viendraient invalider, qui seraient incontestable post détroit de Bering, post Clovis, donc qui viendrait complètement de facto, grâce à une datation claire, invalider ce scénario-là. Ça reste un problème. Est-ce que ça va arriver dans peu de temps? Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Boéda? Je dirais il y a deux problèmes dans la question que vous posez. Le premier problème est celui de la reconnaissance de l'objet. Alors je vais faire une analogie, une image très simple. Si je vous parle de taxi jaune et si New York, vous le reconnaissez tout de suite, vous l'avez en tête, l'image. Absolument. Si je vous rappelle. Alors, est-ce que vous avez besoin du chauffeur pour dire que c'est un taxi jaune? Non. Non. Non. Donc, si vous avez connaissance de l'objet, vous n'avez pas besoin de l'humain pour dire que cet objet a été fabriqué par l'homme. Le problème, donc, revient à dire, est-ce que vous avez les connaissances pour déterminer si c'est humain ou pas? Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, le jour où vous sortez et vous avez le chauffeur à New York, vous verrez que vous avez une diversité ethnique de chauffeurs. Donc, il n'y a pas un type de chauffeur spécifique, il n'y a pas une couleur ou une ethnie qui dirige, effectivement, qui conduit des taxis de New York. Donc, vous voyez, le caractère humain répond à autre chose. Maintenant, le problème de la découverte de restes humains. Mais c'est extrêmement rare pour deux raisons. La première, elle est pour des raisons taphonomiques. Il faut des conditions de conservation sédimentaire particulières pour que l'os reste intact. Premier point. Deuxième point, le phénomène de trouver des restes humains nécessite un enfouissement du corps. Or, la pratique sépulcrale, je veux dire, est une pratique qui est rarissime dans le monde. Rarissime. Vous prenez le continent indien actuel, je veux dire, la plupart des populations, des personnes se faisaient brûler. Je veux dire, c'était la crémation. Donc, et à partir de là, alors c'est pas parce qu'on retrouve plus de crânes de population du 19e siècle en Inde qu'on va dire que que l'Inde n'a jamais été occupée. Non, il y a des réalités. Pour qu'il y ait des restes, il faut que ces restes soient conservés et conservables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas des sédiments acides, il faut des sédiments basiques, et puis il faut que les gens aient eu l'idée, et que c'était dans leur pratique, d'enterrer leurs morts. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, les sépultures, je veux dire, au paléolithique moyen et au paléolithique supérieur, n'existent pas. Vous prenez le Proche-Orient et vous cherchez des sépultures d'Homo sapiens. On sait qu'il est présent à 90 000 ans au Proche-Orient, et vous avez la première sépulture d'Homo sapiens qu'on retrouve au Proche-Orient, elle est de l'ordre de 25 000 ans. Donc ça voudrait dire que l'Homo sapiens n'était pas présent entre 90 000 ans et 25 000 ans. Mmh. Non. Donc, vous voyez, donc à un moment donné, il faut quand même rester dans le raisonnement scientifique. Mmh. Dans le raisonnement, voilà. Et l'ethnologie est là pour nous montrer la diversité des comportements. Mmh. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on a l'habitude de trouver des sépultures. Nous, on a l'habitude d'enterrer nos morts. Donc, nous devons trouver des morts. Si on ne trouve pas de morts, donc, effectivement, c'est pas taillé. Je vous renvoie d'ailleurs, nous avions consacré une émission entière à cette question de l'apparition des rites funéraires dans les premières civilisations de dominines et d'êtres humains. C'était passionnant. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Christelle Lahaye, peut-être un mot pour compléter. On entend évidemment tout à fait ce que dit Éric Boéda, et puis la volonté d'arrêter de faire de l'anthropomorphisme d'une certaine manière, ou du sapiensomorphisme, je ne sais pas comment on pourrait le nommer par un élogisme. Néanmoins, il n'empêche que si ossements il y avait, le débat serait tranché. Oui, effectivement, on peut ossements ou autre type de reste, voilà. D'une façon ou d'une autre. Oui, c'est effectivement un des enjeux probablement, mais c'est vrai que on peut aussi se dire que vu le nombre de niveaux archéologiques aujourd'hui attestés de ces âges-là, c'est pas si surprenant de ne pas avoir encore statistiquement de restes humains conservés. Parce que. Bah parce qu'il y en a relativement peu encore. Ça, le nombre augmente peu à peu, depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, mais on reste sur un nombre de niveaux archéologiques concernés encore relativement faible. Un certain nombre d'entre eux ne présentent aucun type de matière organique conservée. Donc là, très clairement, même s'il y avait eu une chance, elle est perdue. Et donc, statistiquement, on peut imaginer que plus on aura de gisements archéologiques et de niveaux archéologiques datés de ces périodes, et plus on aura de chance de trouver enfin quelques restes humains. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres indices qui viennent corroborer ce modèle d'un peuplement du continent américain bien avant. Et puis on va essayer d'interroger ces modèles, quelles sont les hypothèses, puisque si les humains ne sont pas que passés par le détroit de Bering, parce qu'ils sont certainement passés par le détroit de Bering, par où sont-ils donc passés? On y répond dans la deuxième moitié de cette émission. At the wheel, when he needs anyone, they don't I'm afraid of Americans. Tiens, quelle surprise, David Bowie dans la méthode scientifique. C'est une première, dites donc. À 16h35, nous parlons des Américains, des tout premiers Américains et des toutes premières Américaines. Ces êtres et ces tribus qui sont venus peupler ce continent et selon deux scénarios qui s'opposent un peu, tel qu'on a pu le voir dans cette première partie. Nous en parlons avec Christelle Lay, qui est professeure à l'université Bordeaux-Montaigne et géochronologue au Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie, et Éric Boéda, qui est professeur de l'université Paris-Nanterre, responsable de la mission archéologique française du Piaoui au Brésil. On va parler de la deuxième étude de Nature dans quelques minutes, mais avant ça, comme je vous le disais, ces scénarios de peuplement du continent américain sont évidemment controversés, et du coup, les scientifiques tentent des approches complémentaires pour apporter de nouvelles lumières au problème. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Puisqu'on parle de lumière, pour tâcher de discriminer un scénario de l'autre, vous êtes allé éclairer des crânes au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, alors pour faire parler les crânes, c'est plutôt la spécialité de Martin Friis, qui est à la fois biologiste et anthropologue. Dans son laboratoire, il passe au crible des centaines de crânes fossiles qui proviennent d'Amérique du Nord, d'Asie ou bien d'Océanie. L'objectif, c'est de comparer la forme de ces crânes grâce à un scanner surfacique qui retranscrit par photographie la morphologie de la tête. On obtient alors un modèle numérique qu'on peut manipuler sous toutes les coutures. L'avantage de la technique, c'est qu'il est possible de mesurer sans détruire et surtout de retrouver des indices sur la forme du visage et de la tête, ce qui échappe à la génomique. Grâce à l'imagerie, on a un accès d'analyse qu'on ne peut pas avoir avec le vrai crâne, c'est-à-dire on peut mesurer des choses qui ne sont pas accessibles en touchant le crâne. On a des outils quantitatifs, statistiques très puissants. Et grâce à la collection du Muséum des Soins Naturels, qui est très diversifiée, on a accès à à cette très large gamme de diversité géographique et historique aussi, de reste humain. Donc ici, on est un peu dans votre atelier. C'est ça, ouais. Il y a tout un tas d'instruments. Alors, je vous explique. Donc, effectivement, ce plateau d'imagerie 2D-3D fait un peu de la photographie, sauf elle le fait en 3D. C'est-à-dire qu'on a des appareils qu'on appelle des scanners surfaciques qui fonctionnent exactement comme un appareil photo, mais en double, c'est-à-dire deux caméras sous un angle légèrement différent. On prend donc des photos en continu tout autour de l'objet. Et l'ordinateur se charge de reconstruire tout ça en 3D. Et à la fin, on a un modèle virtuel de l'enveloppe, de l'objet, en l'occurrence un crâne, qu'on peut manipuler indirectement, sans le toucher, et encore une fois, avec une approche quantitative, analytique, qui est bien plus performante que ce qu'on peut faire en touchant le crâne. Donc ce que vous voyez ici, ce sont deux images du même objet, mais sous un angle différent. Et c'est ces différences d'angle, entre autres, qui permet au système de faire les calculs en 3D, c'est-à-dire de déterminer la profondeur. Et l'autre élément qui est utilisé par le système, c'est un système de projection de franges, c'est-à-dire une lumière en ligne parallèle qui est projetée sur l'objet. Ça ressemble un peu à une carte topographique, c'est-à-dire que ce qui est parallèle au départ est déformé sous l'effet d'être projeté sur un objet en 3D. Et c'est cette déformation de ces franges que vous pouvez voir sur le crâne qui va aussi être utilisée par le système pour faire ses calculs de profondeur. Donc là, on a fait rotationner le crâne. On a fait donc une prise sous un angle particulier. On tourne l'objet de 10-20 degrés, quelque chose comme ça. On fait une deuxième prise et puis on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fait un tour complet. Ce qui prend à peu près une vingtaine de minutes. Et au bout de ça, l'ordinateur fait ses calculs, ça prend encore 5 minutes, quelque chose comme ça, et on a un objet 3D quasiment complet. On peut ensuite manipuler sur l'écran et du coup faire toutes vos analyses, voilà. Vos mesures de morphologie. Voilà, tout à fait. Alors, sans toucher au crâne. Sans toucher au crâne, oui. Donc une fois qu'on a un modèle 3D, ce que vous voyez ici à droite, on peut prendre des mesures, et quand nous on dit on prend des mesures, en fait ça consiste à placer des points, des coordonnées x, y, z, sur la surface de l'objet, à des endroits spécifiques, des points anatomiques que nous on a l'habitude d'utiliser. Et ce sont ces coordonnées ensuite qui décrivent la forme du crâne et qu'on va pouvoir analyser mathématiquement. Parce que faut pas oublier qu'en biologie on compare idéalement toujours les populations. et pour savoir si deux populations, à quel point deux populations sont différentes, on suit une logique statistique. Ça peut aussi servir à essayer de voir comment se place un crâne fossile particulier parmi la diversité, par exemple, d'autres fossiles ou d'autres populations actuelles. Donc on arrive à les situer. On va les situer dans une population donnée, dans une population, pour dire voilà, il ressemble beaucoup à cette population ou il est complètement différent. Mais alors concrètement, quels seraient ces biomarqueurs? C'est des formes particulières de l'arrière du crâne ou plutôt de, en fait, des écartements entre les orbites? Alors il y a plusieurs choses. Donc d'abord, il y a la forme générale, c'est-à-dire la longueur de la tête osseuse par rapport à la largeur. Les plus anciens ont une tête relativement plus longue, relativement moins large que ce qu'on voit aujourd'hui. Après, vous avez des caractères un peu plus affinés, comme la morphologie de la face qui est plus projetée en avant, des choses comme ça. Et ça, ce sont des changements évolutifs, évidemment, qui sont importants, qui peuvent être liés au hasard, mais qui peuvent aussi refléter une adaptation, par exemple, à des climats différents, c'est-à-dire une population qui migre dans une autre région, successivement, après quelques générations, va montrer des changements morphologiques en fonction de l'environnement dans lequel elle vit. Et un des avantages de cette approche, c'est aussi la portabilité. On peut voyager avec, c'est-à-dire on peut prendre l'appareil, on peut se rendre sur place, prendre des images, retourner et étudier le crâne qui est à des milliers de kilomètres chez soi. Donc finalement, c'est une méthode qui vraiment permet de donner des arguments, des théories et aboutir à un consensus, même si c'est très compliqué, sur les phénomènes de migration, les premières migrations en Amérique. Voilà, alors pour essayer de mieux comprendre les premières migrations, il y a évidemment plusieurs approches. Il y a l'archéologie qui nous fournit les sites, les datations, la géologie qui apporte des précisions, la génétique qui nous explique qui est descendant de qui. Toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs faiblesses. Un jour, peut-être, on aura effectivement une vision consensuelle sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, c'est au rang des différentes techniques qui permettent bien de confirmer ces indices de population précoce, de peuplement pardon précoce du continent américain. Une réaction peut-être simplement à ce que vous venez d'entendre, Eric Breda. Oui, je veux dire que c'est la technicité maintenant permet, je dirais surtout, de créer des banques de données et pouvoir travailler chez soi. Ça, c'est surtout ça l'avantage. Mm-hmm. Mais autrement, bon, les caractères qui sont avancés dans votre reportage sont des caractères qui ont déjà été mis en évidence par des moyens qui pourraient être considérés comme archaïques, comme le prognatisme ou bon, la forme oui. du crâne. L'intérêt du reportage était de montrer différentes techniques justement de développement en fait de pratiques de technicité pour reconstruire et pour apporter des pièces à ce puzzle du peuplement de l'humanité, pas seulement d'ailleurs du continent américain. Mais vous savez le problème oui bien sûr, mais le problème est la quantité de vestiges que l'on a. Alors, bien que plus on descend dans le temps, moins on a de vestiges. Donc c'est difficile à partir de là. On va faire des modèles. En fin de compte, on utilise les statistiques, les mathématiques, les statistiques pour faire des modèles. Et il ne faut pas confondre effectivement la réalité et le modèle. Le modèle n'est qu'une hypothèse qui est basée sur un certain nombre d'éléments que l'on a pu recueillir. Maintenant, si on multiplie le nombre d'éléments par 100 ou par 1000, peut-être que le modèle changera. Donc il faut faire toujours extrêmement attention. Et là, je reviens toujours sur le même point. Il faut. Ce qui est très étonnant, c'est l'attachement que l'on a à la présence de l'homme, je veux dire que... Et, vous voulez dire de restes humains? Oui, c'est toujours extraordinaire. Alors, évidemment, les restes humains, et dans votre reportage, vous le dites très bien, moi j'attends avec impatience de trouver de l'humain, non pas pour me dire que mon matériel est humain, mais pour me dire qui c'est. Bien sûr, pour l'identifier. Voilà. Et c'est pour l'identifier. Mais c'est, en aucun cas, il va me dire que mon taxi est un taxi. Ça, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, est-ce que cette population, elle vient du continent asiatique ou elle vient d'un autre continent? Alors, et là, ça devient intéressant. Oui. Vous voyez, justement, on va reprendre un peu le fil de notre discussion. Christelle, là, vous vouliez peut-être soit réagir à ce que vient de dire Eric Boda au reportage? Oui, ou en tout cas prolonger ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'en reprenant quand même cette idée de probabilité de trouver des restes humains, si on regarde un peu les sites à peu près acceptés généralement, même s'ils ont tous encore quelques contradicteurs, mais d'une façon générale, les sites acceptés avec des âges compris entre 17 et 30 000 ans, ce site au Mexique dont on parlait tout à l'heure est le quatrième finalement dans le Nord, avec Meadowcroft, Cactus Hill et Galt. Donc Galt, voilà, ce n'est jamais que le quatrième sur la partie nord et au sud sur cette tranche 17-30 000 entre Pichimachay, Santa Elena, Arroyo del Vizcaino et les 5 ou 6 sites que nous avons étudiés et datés dans la Serra da Capivara. On a fait le tour de tous les niveaux, compris entre 17 et 30 000 ans. Donc effectivement, la probabilité d'avoir des restes humains est... Oui. Et Monteverde, qui est plus récent, mais qui est très au sud, donc qui a 14 500 ans, mais qui est vraiment à la pointe du Chili ou de l'Argentine d'ailleurs. Pas tout à fait à la pointe, mais oui, qui est relativement au sud. Arroyo del Vizcaino en Uruguay est relativement au sud aussi. Et là, on est entre autour de 30 000 ans, on va dire. Alors, peut-être qu'on pourrait dire maintenant lever un peu le suspense. Hein, c'est un peu on attend, on garde la révélation comme dans les séries pour les 10 dernières minutes. Quels seraient les modèles du coup ce peuplement, anticipé en quelque sorte, de cette première vague qui ne figurait pas dans le modèle du détroit de Bering, Eric Boeda? Est-ce qu'on a une idée? On parle de cabotage, mais cabotage depuis où? De quel type de population? Non, il y a, je vous ai expliqué le phénomène d'accordéon au niveau terrestre. Maintenant, quel que soit le climat, il y a effectivement la possibilité du cabotage. Donc le cabotage a toujours été, quel que soit en période glaciaire ou interglaciaire, une possibilité de rejoindre le continent américain. Bon, c'est pas forcément très facile, mais c'est faisable. Donc à partir de là, il y a eu, on peut dire que pratiquement depuis, on va dire 75 000 ans, il y a eu des autoroutes terrestres qui ont existé. Donc c'est refermé, c'est rouvert, c'est plus ou moins refermé. Et à partir de là, il faut savoir que quand même, que quand ça se referme, ça veut dire que les glaces s'étendent. Et qu'à partir de là, les populations, elles ne vont pas rester là où les glaces arrivent, et elles ne vont pas non plus rester en périphérie des glaciers. Donc on va avoir des mouvements migratoires qui sont internes à l'Amérique. Et c'est là, maintenant, on introduit deux types de mouvements migratoires. Il y a les mouvements migratoires, effectivement, qui proviennent d'Asie. Et là, c'est lorsque les territoires sont, que ce soit la Béringie, ou que ce soit par le corridor, donc Alaska, grande plaine d'Amérique, ou alors, lorsque le corridor est fermé, des migrations internes. Parce que, je veux dire, la population doit automatiquement fuir ou aller ailleurs. Et là, on a une migration intracontinentale. Donc, le modèle se complique énormément. Mais on n'est plus dans un seul modèle migratoire. Voilà, ça, c'est absolument clair. Et maintenant, évidemment, alors la génétique, s'ils étaient capables de nous déterminer les relations phylétiques, je veux dire que là, on serait très heureux. Si la morphométrie des crânes était capable de nous dire, voilà, ces populations sont proches ou éloignées, ce serait très bien. C'est assujetti aux découvertes, c'est assujetti donc à la présence, aux pratiques humaines de l'époque qui ont ou non enterré leurs morts. Et puis aussi, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que pour trouver ces sites, ce n'est pas facile. La plupart des sites anciens ont été trouvés par hasard. Par exemple, vous avez dit Monteverde à 14 000 ans. Monteverde 14 000 ans, non. Monteverde 14 000, 17 000, 20 000 et 30 000. D'accord. On ne parle que de 14 000 ans parce qu'évidemment, voilà, elle est dans la fourchette. Mais il y a tous les autres couches dont on ne parle pas. Mais bon, passons. Ces sites ont été découverts tout à fait par hasard. La différence et la pratique que nous avons eue justement dans le Piaoui, ça a été de se dire qu'on va, s'il y a eu une occupation humaine, on doit avoir dans un territoire relativement limitée. On a pris un carré de 20 km sur 20 km. On a fait des études géomorphologiques pour reconnaître effectivement les qualités sédimentaires. Et nous avons fait une vingtaine de sondages et des fouilles systématiques. Et donc, après une réflexion sur les modifications topographiques et les meilleurs emplacements possibles, sur le nombre de sondages que l'on a fait, on a trouvé 10 sites pléistocènes, et chaque site pléistocène contient plus de 20 niveaux d'occupation. Donc là, on a la preuve qu'en un endroit précis, on avait une multitude d'occupations. Donc ça, c'est un argument supplémentaire qui est de l'ordre de la géographie culturelle, qui dit, bon, on n'est pas dans le cas de Robinson Crusoe, perdu au milieu du désert. Non, pas du tout. On est dans des lieux où, effectivement, les gens, à un temps X, vont effectivement vivre dans différents environnements, différents endroits, de la plaine, de la Cuesta, et que ces lieux-là ont toujours été favorables à l'implantation humaine, oui. Parce que sur ce même site, on va retrouver 20, 30, 40 couches archéologiques qui vont représenter une échelle de temps de l'ordre de 20 000 ans. Voilà. Et ça, vous multipliez 10 sites par une moyenne de 15 couches archéologiques. Là, vous voyez, c'est quand même différent que d'une seule couche archéologique de 30 000 ans trouvée à Chiquihuité. Ça veut dire que au Brésil, on a plus d'une cinquantaine de sites. Oui, bien sûr. Christelle, tout de même, j'aimerais vous entendre sur ces hypothèses pour revenir à l'hypothèse du cabotage. Alors, je vais là aussi reposer une question de béotien pur et dur, mais ça veut dire que on a aujourd'hui une certitude ou une conviction ou des indices de la maîtrise de la navigation à 30 000 ans par les différentes tribus humaines de cette époque. Ça. A priori, on a en tout cas des preuves de ce, ou des preuves, ou en tout cas de fortes suspicions de cette maîtrise du cabotage dans des périodes même plus anciennes. Mais là, je suis pas spécialiste de cette question. Sur l'hypothèse ou le scénario, voilà, en tout cas, les scénarios que ça dessine. On va dire que les modèles qui semblent se dessiner depuis quelques années et qui pourrait expliquer la plupart des observations archéologiques actuellement voient de toute façon une arrivée de population effectivement de Sibérie. Je crois que cette question-là est plus interrogée, ne pose plus de problème, et que ces populations arrivent dans le centre de la partie nord, soit effectivement par la voie pacifique, soit par cette traversée du corridor dans une des nombreuses phases où il est traversable. Et ensuite, comme le disait Eric, effectivement, descendre peu à peu, relativement rapidement probablement, mais avec des retours possibles. Et là, finalement, on a assez peu d'informations là-dessus. Mais un certain nombre de collègues voient en particulier dans ces traces archéologiques un peu ténues, sur les toutes premières périodes en tout cas, hein, pour les gisements qui semblent être à 40 000, voire à 30 000, des occupations qui seraient quand même ce qu'on appelle parfois des populations pionnières relativement peu nombreuses, et qui auraient pu, ça expliquerait l'apparente contradiction avec la génétique aujourd'hui, qui auraient pu ne pas laisser de traces génétiques, qui auraient pu s'éteindre, et d'autres populations postérieures, issues d'un même pool initial, hein, probablement, seraient arrivées ensuite, et ce seraient eux qui, effectivement, auraient perduré. C'est intéressant, parce qu'on n'a eu pas vraiment le temps de parler de génétique. Alors, vraiment, en un mot, peut-être, Eric Boéda, à ce propos, parce que c'est vrai que les échelles génétiques coïncident pas toujours très très bien avec les échelles paléontologiques ou paléoanthropologiques, mais il y a tout de même quelque chose dans le patrimoine génétique des génomes de natifs américains, d'ailleurs du Nord ou du Sud, c'est deux lignées qu'on appelle inconnues entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retracer dans l'histoire des différentes peuplades que l'on connaît de l'humanité. Vous pouvez nous en dire un mot brièvement ? Oui, brièvement, vous savez, la génétique, elle est à ses débuts quelque part. Pratiquement à chaque article, il y a une remise en cause de l'article précédent et l'apport de nouvelles données. On fonctionne effectivement. On a très peu d'échantillons des populations de 13 000, moins de 11 000. En fin de compte, les plus vieux, je crois, datent de 11 000 ou de 13 000 ans. Donc, vous voyez, on n'en a pas beaucoup. Donc, on a beaucoup d'informations sur l'actuel et on a très peu d'informations sur les individus de 11 000, 13 000. Néanmoins, quand on regarde le génome de ces individus de 13 000, 11 000, et quand on regarde effectivement la diversité que l'on a en Amérique du Sud, surtout, moins en Amérique du Nord, effectivement, il y a un certain nombre de questions qui montre qu'il y a effectivement encore beaucoup de recherches, et c'est pour ça que nos amis anthropologues nous poussent à trouver de l'humain, mais moi je leur dis avec grand plaisir, mais effectivement pour l'instant nous n'en trouvons pas, et peut-être qu'il faut changer d'endroit, aller dans des meilleurs lieux de conservation où il y a eu et où il y a eu des pratiques. La génétique, en fin de compte, est absolument fondamentale parce que elle va effectivement nous dire deux choses. Elle va nous dire globalement d'où ils viennent, mais aussi ils vont nous expliquer certainement qu'il y a eu des migrations successives et avec des phénomènes d'arrêt de d'évolution ou de reprise, d'un nouvel apport et donc de métissage. Et c'est ça qui nous manque et la génétique a encore du mal à parler de métissage, mais on attend avec impatience effectivement leurs données. Mais je dirais que chaque article apporte des choses nouvelles, détruisant ce qu'il y a avant. Donc pour l'instant, je crois que c'est une discipline qui est très jeune, il faut la laisser... se développer, mais surtout ne pas confondre, et c'est un conseil aux lecteurs, aux auditeurs, ne pas confondre les données qui proviennent de la génétique, qui sont fondamentales, et les données qui proviennent de la culture matérielle, qui sont nécessaires, bien sûr. Voilà. Un mot en une seconde, Christelle Lahaide, la suite, je crois que vous êtes sur des fouilles en Argentine qui peuvent être intéressantes et prometteuses, en tout cas. Oui, on espère. Alors, on a été bloqué sur l'opération 2020 par la situation sanitaire, mais on espère bien repartir très vite début 2021 en Argentine, donc... sur des gisements qui sont à près de 4000 mètres d'altitude avec des conditions de conservation potentiellement intéressantes et des outils que Eric Boeda étudie, entre autres, qui sont relativement intéressants. Donc on repart très vite là-dessus et on espère. Eh ben, on vous fera revenir et on espère avoir des bonnes nouvelles et des nouvelles en tout cas passionnantes dans ce feuilleton que je viens de décrire et que vous venez de remplir avec moi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christelle Lahaide, merci Eric Boeda pour cette histoire passionnante du peuplement des Amériques. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est Edouard Rubinstein aujourd'hui à la technique. Demain, table ronde sur l'actualité des sciences et de la recherche pilotée par le camarade Antoine Beauchamp. Il sera question de la datation du disque de Nebra, des anomalies dans la physique des particules. Et mes camarades partiront en quête de la définition de la vie au sens large, bien au-delà de notre carcan terrestre. Vous voyez, c'est un programme chargé pour vous et pour nous tous, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.